merde. Quand j'étais petit garçon, ma maman me traitait de con. Maintenant que j'ai grandi, que je porte des caleçons, ma maman me dit que je ne suis qu'un vieux con. Oh oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh oh. Pour moi c'est difficile. Oh oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh. Pour moi c'est difficile. J'ai bien essayé plusieurs fois de me suicider, mais il n'y a rien à faire, à chaque fois je me suis planté. J'ai voulu draguer les meufs, puis je me suis fait jeter. Oh oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh oh. Pour moi c'est difficile. Oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh. Pour moi c'est difficile. Mon papa me dit que je suis feignant. Mon papa il est à la retraite et il travaille tout le temps. Ma maman elle crie parce qu'elle s'ennuie. Mon papa il fuit, il évite tous ses cris. Oh oh oh oh. Mon Dieu c'est pas facile. Oh oh oh. Mon Dieu que c'est difficile. Oh oh oh. Mon Dieu que c'est pas facile. Oh oh oh. Mon Dieu que c'est difficile. Je peux pas avoir d'amis ou de petit ami. Elle traite tout le monde de con et lui il en fait autant. Il a peur de la froisser alors il critique les gens. Oh oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh oh. Que c'est difficile, oh oh oh. Que c'est pas facile, oh oh oh. Que c'est difficile. Je peux pas avoir de loisirs si ce n'est pas pour gagner. Il faut que ça rapporte tout ce que l'on fait. Comme jouer de la guitare, c'est bon pour les crétins. Ou faire du vélo, c'est bon pour les idiots. Oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh. Pour moi c'est difficile. Oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh. Pour moi c'est difficile. J'ai voulu travailler, gagner un peu d'argent, mais comme je gagnais plus qu'eux, ils me prenaient pour un pecno. Quoi que l'on fasse, on n'est jamais assez bien. On est trop ou pas assez. On n'est pas comme non, on n'est pas comme non, on n'est pas comme oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh. Pour moi c'est difficile. Oh oh oh. Que c'est pas facile. Oh oh oh. Que c'est difficile. Ma maman, mon papa, il n'y a pas de différence. Ils ont vieilli trop vite et tous leurs copains s'enfuient. Leur jeunesse. Et les jeunes appellent ça des vieux cons. Oh oh oh. Pour moi c'est pas facile. Oh oh oh oh. Pour moi c'est difficile. Les jeunes appellent ça des vieux cons. Oh oh oh oh. Que c'est pas facile. Oh oh oh oh. Que c'est difficile de vieillir. Madame clairvoyance, qui n'y voit pas si clair que ça. Madame clairvoyance, mais qui sait qui, mais qui sait quoi. Madame clairvoyance, si tu l'écoutes, t'es dans l'eau. Madame